pointe zami. Y'a pas de patron dans la caille, mais y'a des couilles. J'arrive dans l'hôtel, c'est ta Yankee. Dans mes nuits, j'me taille. Un gros coup de taquin, cheveux lissés ou curly, mais un gros cul. Nique pas ma corona, les jokers vont voter dans la drogue. Je veux un sac du matériel. Je veux que j'achète un autre. J'suis à deux tours en 4 secondes. Me touche le front, j'suis plus de ce monde. J'suis la bitch, j'en plus mon cœur. J'crois que j'ai fait trop de ballons. Haricot, on gère le boy. J'ai levé sur le contrat. C'est nous les meilleurs dans la vanne. Maman, je me passe du rouge et le bleu. Tu sais. La monnaie, on en fait dans le bloc. J'ai arraché mes cloques à cause du bloc. Tu sais. Ouais. J'ai jamais bandé sur le délire à mairie. Non. J'ai connu la haine, je me sens bien dans un dynamiri. Jalouse pas sur nous gros, tout ce qu'on a on mérite. Ouais. D'abord j'agis, après je médite. J'entends qu'on cul crier Mayday, Ocho. A 4 sur un mafé, A 2 sur un T-Max, 5 kits à l'arme à feu. Précision parfaite, SDM 100-8 et que Drago Malfoy. De la frappe qui se tord, des Yankees qui s'étonnent. Plus j'avance, plus j'ai le bras qui se tend. Coba j'ai 2 SDM, donc tu sais qu'il y a du sale qui se tend. C'est nous les meilleurs dans la vente. Dans ma sacoche du rouge et le bleu. J'ai mes cloques à cause du bloc. Tu sais. J'ai ce billet dans sa cadeau Hermès. Mais il dit que des vrais négros qui pépèzent. C'est fort, je réveille les tannas, c'est pas petit boucan. J'arrive à te bloquer, bloquer comme un chica sous Shiva. J'la tramine, tu sais que c'est piquant. Putain, les baisers, c'est kiffant. Ok. J'dors sur les Champs-Élysées. Visite ma suite, elle est grande comme Disney. J'lui mets 3 coups, j'suis épuisé. J'me rajoute un fond de tease. Pour investir, j'ai pas besoin qu'on cotise. Donc arrête tes sottises. Tu crois pas qu'il veut. Passons juste un peu. Ma sapille on peut. J'ai de crash du Jojo. Jojo. C'est nous les meilleurs dans la vanne. Dans ma sacoche du rouge et bleu. Tu sais. La monnaie on en fait dans le bloc. J'ai arraché mes cloques à cause du bloc. Tu sais.